rendez-vous débranché. Rendez-vous débranché, une émission de jeux questions-réponses sur l'actualité nationale et internationale et la connaissance générale. Rendez-vous débranché. Vous êtes branchés ? Soyez au rendez-vous débranché sur Radio Isanganiro de lundi à samedi de 13h30 à 14h. C'est une occasion de gagner des prix. Soyez au rendez-vous débranché. Bon après-midi à tout le monde. Vous avez reconnu ce nouveau indicatif, le nouvel indicatif de rendez-vous débranché. À la présentation, c'est Alida Ndaikeza et François Akimana assure la mise en onde. C'est tous les jours du lundi au vendredi au samedi de 13h30 à 14h. C'est la seule émission qui vous permet de gagner des points et de gagner des prix. Je vous propose directement trois questions. Joanne est un nouvel album qui va sortir vendredi le 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Joanne est un nouvel album qui va sortir vendredi le 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Deuxième question, quelle est la devise du café produit par Arfic? Quelle est la devise du café produit par Arfic? Troisième question, qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Appelez au 76 083 933 61 083 933 77 357 792 75 983 933 22 25 43 75 22 24 66 02. Ce sont les six numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre. Je rappelle directement le classement de la compétition pour gagner le iPhone, le Little de smartphone. Il y a Clovis de Gitega avec 40 points, Oscar de Kilili 25 points, Steve de Kilili 22, Emmanuel de Mutonga Sud 10 points, Cédric de Gitega 8 points, Jean-Claude de Karoussi 7 points, Clérise 6 points, Nikèze 5 points, Gérard de Djabé 4 points, Alain de Kinindo 2 points, Landry Dinard 2 points, Fabrice de Gitega 1 point, Armel Ingabide 1 point, Ariel 1 point. Celui qui va gagner cette compétition aura la chance de venir faire une co-présentation demain dans cette émission à la radio Isanganiro. Donc, la seule consigne, c'est d'appeler, de gagner des prix. Directement, vous allez commencer à préparer vos questions que vous allez poser aux autres demain le 20 octobre. Si celui qui gagne n'est pas disponible directement, on vous promet de s'arranger. On accueille directement un appel. Allô? Allô? Jean-Claude. Oui. Jean-Claude Docaroussi. Oui. Tu as déjà 7 points. Oui, pour le devis. Pardon? Pour le devis. Pour? Devis. Pour le. Je te capte pas très bien. Devise Arfic. Ah, devise. Devise, oui. Devise. Quelle est la devise du café produit par Arfic? Je propose santé, gaieté, espérance. Non. Continue les recherches. Allez, question directe. Une question en direct. Choix multiple. Mm-hmm. Jean-Claude. Oui. Combien de gladiateurs compose l'équipe de gladiateurs d'Olivia Pope dans Scandale? Combien de gladiateurs compose l'équipe d'Olivia Pope dans Scandale? C'est 3, 4 ou 5? 4. Continue les recherches, Jean-Claude. Et tu rappelles plus tard. On accueille directement une autre personne. Allô? Allô? Oui, c'est qui à l'appareil? C'est Cédric. Cédric. Ouais. Cédric qui nous appelle depuis Gitega. Oui. Cédric, tu as 8 points. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que je peux avoir le rappel de questions? Le rappel de questions pour Cédric. Ouais. Joanne est un nouvel album qui va sortir vendredi 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Joanne est un nouvel album qui va sortir vendredi 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Oh, Quelle est la devise du café produit par Arfic? Je passe aussi. qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Une question en direct pour Cédric. Je cherche pour toi. Ok. Combien de gladiateurs compose l'équipe d'Olivia Pope dans Scandal? 3, 4 ou 5? 3. 3. Oui. Sûr? Certain? Tu n'as pas encore regardé le film? Non. Je t'invite à le regarder. Et c'est 3 personnes. Je rappelle. Ok, tu rappelles plus tard. Une autre personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, c'est qui à l'appareil? Clovis qui est à la tête du classement. Tu as 40 points jusqu'à maintenant. Oui. Mm-hmm. Tu veux répondre à quelle question? J'avais une question. Une question en direct pour Clovis. Oui, oui. Mm-hmm. Devinette à choix multiples. Ok. Ok. C'est un jeu de football de table comportant des figurines que l'on actionne à l'aide de tiges mobiles. C'est un jeu de football de table comportant des figurines que l'on actionne à l'aide de tiges mobiles. Je te donne des choix. Baby foot, table foot ou mini foot? Baby foot. Sûr? Oui, oui. Certain? Oui, sûr et certain. Un autre point. Tu restes le tenant du titre dans cette compétition. Continue les recherches pour rappeler. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Allô? Oui. Oscar, le numéro 2. Oui. Oui, oui. Tu as 25 points. Oui. Mm-hmm. Tu veux t'essayer à quelle question? Concernant la devise. Concernant la devise. Quelle est la devise du café produit par Arfic? Je propose de mon grain de café. Mon quoi? Mon grain de café. Mon petit goût de salade. Non. Oscar. Oui. C'est pas ça. Une question en direct. Une question en direct. Oui. Vrai ou faux? Oui. Mm-hmm. Boumac, c'est une entreprise qui fabrique du papier et elle se trouve à l'avenue de la Grèce. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai? Oui, oui. Sûr? C'est certain. Un autre point. On continue à appeler dans notre rendez-vous des branches, l'émission qui vous permet de gagner des points et de gagner des prix. On accueille une autre personne. Allô? Rebonjour. Rebonjour. Jean-Claude. Jean-Claude de Carousi. Oui, pour Johan. Oui. Johan est un nouvel album qui va sortir vendredi le 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Maître qui? Rosebelt. Je te capte pas très bien. Rosebeth. Non. C'est pas ça. Une question en direct. Choix multiple. Oui. Choix multiple pour Jean-Claude. En abrégé, par exemple, est écrit E et G. Tu comprends? Que signifient ces deux lettres, le E et le G? En abrégé, par exemple, est écrit E et G. Que signifient ces deux lettres E et G? Mm-hmm. Je te donne des choix. Oui. Exempli gratia. Exempli gregos. Exempli gratium. En abrégé, par exemple, est écrit E et G. Que signifient ces deux lettres? Exempli gratia. Exempli gregos. Exempli gratium. Exempli gregos. C'est pas ça, c'est exempli gratia et c'est en latin. Tu rappelles. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Allô? Oui. Clérise. Ouais. Clérise, la seule fille dans notre émission. Ouais. Clérise, tu vas bien? Ça va. Ça a été la journée? Très bien. Mm-hmm. Tu veux répondre à quelle question, Clérise? Concernant Johan. C'est ton nouvel album qui va sortir vendredi 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Je propose Johan Didion. Johan Didion. Mm-hmm. Seulement ça? Oui. Tu es dans la bonne voie. Continue les recherches. Oui. Une question en direct. Ok. Devinez ta choix multiple. Ok. Clérise. Je ne respire jamais, mais j'ai besoin de beaucoup de souffle. Qui suis-je? Je respire jamais, mais j'ai beaucoup besoin de souffle. Qui suis-je? Ventilateur, aspirateur ou climatiseur? Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Ventilateur, aspirateur, climatiseur? Ventilateur. Non. Plutôt aspirateur. À tout à l'heure. On accueille une autre personne. Allô? Oui, c'est qui? C'est Cédric de retour. Cédric. Tu veux tester à quelle question, Cédric? Une question en direct. Vrai ou faux? Oui. Mm-hmm. Sur le drapeau japonais, le grand point rouge symbolise le feu. C'est vrai ou c'est faux? Sur le drapeau japonais, le grand point rouge symbolise le feu. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Mm-hmm. Ça symbolise quoi? Le soleil levant. Bravo. 2 points. Ok, je rappelle. Ok, tu rappelles plus tard. À la tête du classement, c'est Clovis de Guitega avec 40 points. Mais aujourd'hui, tout peut basculer. La tête de la liste peut être changée. La seule condition, c'est d'appeler, répondre et gagner des points. On accueille une autre personne. Allô? Oui, allô, c'est Clovis. Clovis. Oui. Mm-hmm. Tu veux t'essayer à quelle question? La question concernant la devinette. Concernant la devise. Quelle est la devinette ou la devise? La devinette. La devinette. Oui, oui. Donc, choix multiple. Devinette à choix multiple. Oui, oui. Mm-hmm. OK. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Des choix. Attentat de kamikaze, délit de fuite, meurtre. Quel est le crime qui est punissable quand il s'agit d'une tentative et qui n'est pas punissable quand on le commet? Attentat de kamikaze, délit de fuite ou meurtre? Délit de fuite. Délit de fuite. C'est plutôt attentat de kamikaze parce que quand on commet l'attentat et qu'on meurt, on ne peut pas être puni. Continue les recherches. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Allô? Allô, c'est un peu. Oscar. Oui. Tu veux t'essayer à quelle question, Oscar? Le journal de Bruna. Concernant quoi? Le journal. Ok. Qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Non. C'est pas lui. Une autre personne. Une question en direct. Une question en direct. Choix multiple. Oui. Ok. Quel joueur de football est devenu la risée du web en ayant posté la photo de sa nouvelle Lamborghini qualifiée de trop luxueuse. Et cela s'est passé cette semaine. Quel joueur de football est devenu la risée du web en ayant posté la photo de sa nouvelle Lamborghini qualifiée de trop luxueuse? Je te donne des choix. Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Lionel Messi. Lionel Messi. Non. Continue les recherches. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Ils sont déjà partis. Vous êtes dans l'émission Rendez-vous des branchés. Appelez pour avoir des points et des prix. Allô? Allô, oui, c'est Cédric. Cédric. Ouais. Tu veux t'essayer à quelle question, Cédric? Une question en direct. C'est parce que sur le podium, c'est difficile. J'ajoute une nouvelle question pour toi. OK. OK. Comment appelle-t-on cette courte figuration symbolique d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une ambiance utilisée dans un discours écrit? Et je sais que tu aimes utiliser ça. Comment appelle-t-on cette courte figuration symbolique d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une ambiance utilisée dans un discours écrit? Trop dans simple. Dans un discours écrit, mm-hmm. Je propose... non, je ne vois pas. Tu l'utilises tous les jours. Une question en direct. Ouais. Quel joueur de football est devenu la risée du web en ayant posté la photo de sa nouvelle Lamborghini qualifiée de trop luxueuse? Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, Lionel Messi. Özil? Non. Cristiano Lamborghini, et c'était hier. Ok, je rappelle. Ok, continue les recherches. Rendez-vous! Il y a ceux qui ont déjà gagné des prix. Il faudra venir les récupérer samedi prochain entre 14h et 15h. Si vous ne les récupérez pas, ils risquent de tomber en annulation. Venez avec vos cartes nationales d'identité. Et pour ceux qui se trouvent en province, si vous envoyez quelqu'un les récupérer pour vous, il faudra d'abord nous appeler avant, et par après, vous allez nous donner le nom de celui qui va venir prendre votre prix. Il y a Oscar qui a 2 prix, Cédric 1 prix, Clovis 4 prix, Adrien 1 prix, Steve 1 prix. On accueille directement une autre personne. Allô? Allô? Il est déjà parti. Je rappelle les questions qui sont sur le plateau. Joanne est un nouvel album qui va sortir vendredi 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Quelle est la devise du café produit par Arfik? Et qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Et comment appelle-t-on cette courte figuration symbolique d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une ambiance utilisée dans un discours écrit? Et on ajoute une nouvelle question. Quel verbe signifie l'action de renoncer à une autorité souveraine? Quel verbe signifie l'action de renoncer à une autorité souveraine? Allô? Oui, allô? Oui, c'est qui à l'appareil? C'est Gérard. Gérard. Gérard de Djabé. Oui. Gérard, tu vas bien? Oui, ça va. Dans le classement, tu as 4 points. Oui. Continue de faire beaucoup de recherches pour être à la tête de ce classement. Je ne l'espère pas. Il y aura d'autres compétitions, ne t'inquiète pas. Oui, oui. Tu veux t'essayer à quelle question? Je veux une question en direct. Une question en direct pour Gérard. Oui. Devinez ta choix multiple. Oui. OK. Je suis l'ami des sorcières. Je sers la ménagère. Si au début je danse, pour terminer, je ne suis pas beau. Qui suis-je? Je suis l'ami des sorcières, je sers la ménagère. Si au début je danse, pour terminer, je ne suis pas beau, qui suis-je? Je te donne des choix. Poison, balai ou chapeau. Poison, balai ou chapeau. Je suis l'ami des sorcières, je sers la ménagère. Si au début je danse, pour terminer, je ne suis pas beau, qui suis-je? Poison, balai ou chapeau. Je propose poison. Je propose poison. Poison, c'est pas ça. Oui. Continuez les recherches. On accueille une autre personne. Allô? Oui, allô? Oui. C'est Cédric de retour. Cédric de retour. Pour la nouvelle. Pour la nouvelle. Quel verbe signifie l'action de renoncer à une autorité souveraine? C'est pas se rebeller. Non. Et l'autre sur le discours oral. Comment appelle-t-on cette courte figuration symbolique d'un état d'esprit, d'un ressenti, d'une ambiance utilisée dans un discours écrit? L'ol. Pardon? Non, je rappelle. Une question en direct pour toi. Oui, une question en direct. Vrai ou faux? Vrai. Une fable est un récit populaire ou littéraire mettant en scène des êtres surhumains et des actions remarquables. C'est vrai ou c'est faux? Une fable est un écrit populaire ou littéraire mettant en scène des êtres surhumains et des actions remarquables. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pourquoi? Parce que je pense que ce serait une épopée. Non, c'est plutôt un mythe. Okay. Et tu viens d'avoir un autre point. Ok. On continue à accueillir nos branchés pour le rendez-vous qu'on a déjà fixé du lundi au samedi. Allô? Allô? Oui? C'est Clovis d'or. Clovis, qui est le tenant du titre. Tu veux t'essayer à quelle question, Clovis? Une question en direct, s'il vous plaît. C'est gentiment demandé, je te la propose. Choix multiple. Oui. Combien de tambourinaires sont visibles sur le paquet emballage du café du Burundi? Combien de tambourinaires sont visibles sur le paquet emballage du café du Burundi? Il y a 12, 13, 14 tambourinaires. Il y a combien? Je propose 13. 13, c'est plutôt 12. Continue les recherches. Oui, à tout à l'heure. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Oui. C'est Oscar de retour. Oscar. Oui. Notre numéro 2. Oui, oui. Concernant le verbe. Le verbe. Oui. Quel verbe signifie l'action de renoncer à une autorité souveraine? C'est abdiquer. Abdiquer. Oui, oui. Oscar. Oui. 2 points pour aujourd'hui. Et une question en direct. Une question en direct. Oui, oui. Devinette à choix multiple. Oui. Oui. Je suis l'ami des sorcières, je sers la ménagère. Si au début je danse, pour terminer, je ne suis pas beau. Qui suis-je? Poison, balai ou chapeau? Balai. Balai. Un autre point. On accueille une autre personne. Allô? Oui, c'est qui à l'appareil? Gérard. Oui. Tu veux tester à quelle question, Gérard? À une question en direct. Une question en direct, vrai ou faux? Oui. OK? Oui. L'émission Tkwero sur la radio Isanganiro et l'émission des Burundais se trouvant à l'étranger, c'est vrai ou c'est faux? L'émission Tkwero sur la radio Isanganiro, c'est l'émission des Burundais se trouvant à l'étranger, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. L'émission des, de ceux qui se trouvent à l'étranger, c'est Karadiridimba. Vous me donnez une autre question. Tu rappelles plus tard et je te donne une autre question. Et je sais que tu vas trouver. Merci. OK? OK. Merci. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Oui, c'est qui? C'est Jean-Claude. Jean-Claude de Karoussi. Oui. Tu veux tester à quelle question? Pour la devise. Pour? La devise. La devise. Quelle est la devise du café produit par Arfik? Je propose de mettre le café à Kateni. Non. C'est pas ça. Une question en direct. Oui. Choix multiple. Oui. OK. Quel acteur de série américaine le mieux payé? Quel acteur de série américaine le mieux payé? Je te donne des choix. Il y a Marc Harmon, Zac Efron, Ashton Kutcher. Troisième choix. Un point pour Gérard de Djawé. De Jean-Claude. Pardon. Jean-Claude de Karoussi. Il faut aussi varier les lignes parce qu'il y a des lignes. Je rappelle directement les lignes, comme ça vous allez tâtonner sur n'importe quelle ligne. Oui. 76 083 933, 61 083 933, 75 983 933, 75 357 792, 22 25 43 75 22 24 66 02. C'est le seul rendez-vous, c'est le rendez-vous débranché. Clérise. Ouais. Notre seule fille. Clérise, c'est un honneur. Ouais. C'est un honneur de t'accueillir dans notre émission parce que tu es la seule fille. Peut-être. Ben, je te confirme. Ouais. Tu veux tester à quelle question, Clérise? Pardon? Le film. Le film. Une question au plateau. Joanne. Ah, Joanne. Ouais. Quel est Joanne est ton nouvel album qui va sortir vendredi 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Et je sais que tu la connais. Donc, je te donne déjà un indice. C'est tu. Pardon? Zach. Joanne. Zach. Mm-hmm. Non. Mais elle porte le nom de Joanne. Continue dans le même chemin. Tu vas trouver. Et je sais que tu la connais. C'est une fille déjà. C'est une fille. Oui. Une question en direct. Une question en direct pour Clérise. Choix multiple. La signification de SMS. La signification de SMS est Short Message Service, Short Message System, Short Message Sender. La signification. Premier choix. Short Message Service. Yes. C'est pas ça, c'est Short Message System. Continue les recherches. On accueille une autre personne. Allô? Allô? Oscar de Rochelle. Oscar. Oui. 3 points pour aujourd'hui. Oui. Oui, tu veux tester à quelle question? À la question concernant le journal. Concernant le journal, qui a présenté le journal de la matinée en Kirundi sur la radio Isanganiro? Nyonguru. Nyonguru, qui? Non. C'est pas lui. Une question en direct pour Jean-Claude. Pour Oscar. Oui. Pardon, Oscar. Oui. Devinez ta choix multiple. Oui. Parfois, je suis fort. Parfois, je suis faible. Je parle toutes les langues sans jamais les avoir apprises. Que suis-je? Parfois, je suis fort. Parfois, je suis faible. Je parle toutes les langues sans les avoir apprises. Que suis-je? Il y a écho, Écho, oui, onde ou réseau? L'écho. Écho. Oui. Un point pour Oscar. Ok. Tu rappelles plus tard. Pardon? On accueille une autre personne. Allô? Ils sont déjà partis. Cette émission est sponsorisée par Boumac, qui est une entreprise qui fabrique du papier. Elle se trouve à l'avenue de la Grèce. Il y a imprimerie Planète Média qui se trouve à l'avenue Breyrou. Et il y a Itel, notre sponsor de cette compétition. Il se trouve à la 4e chaussée du Prince Louis, Ouagasore. On accueille une autre personne. Jean-Claude, oui. Tu veux t'essayer à quelle question? Pour Johan. Johan est un nouvel album qui va sortir vendredi le 21 octobre. Quel est le vrai nom de l'auteur de cet album? Je propose Johan Lady Gaga. Le vrai nom? Johan Lady Gaga. C'est Lady Gaga, mais elle s'appelle Stéphanie Johan Angelina Gelmanota. C'est Lady Gaga. Question break. Oscar. C'est Jean-Claude. Jean-Claude, ça te fait 2 points. Oui. Une question en direct pour Jean-Claude. Devinette à choix multiples. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il? Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il? Il y a début, il y a premier et avance. Début, premier ou avance. Toujours le premier, jamais le dernier. Rien sans lui n'est jamais fini, car rien ne peut commencer sans lui. Qui est-il? Début, premier ou avance? Avance. Non, c'est pas ça. Et je propose qu'on termine la compétition par cette voix de Jean-Claude. On vous prend 1 minute seulement, on totalise les points et puis on va vous donner le nom du gagnant de la compétition. Le gagnant de notre compétition, c'est Clovis Dokitega à 41 points de la finale. Wow! Bravo, bravo, bravo! Félicitations! Vous avez été le plus branché durant cette compétition. Vous êtes le gagnant du plus grand prix! Clovis Dokitega, on voudrait vous inviter demain à venir faire la coprésentation de notre émission dans les studios de la radio Isanganiro. Appelez au 79-234-477 pour prendre rendez-vous demain. Et le deuxième de notre classement, c'est Oscar Dokiliri avec 29 points. Steve Dokiliri, c'est 22 points. Emmanuel Domtongasu de 10 points. Et les autres, vous allez continuer à appeler à partir de demain et vous pourrez gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de prix. Comme ça, vous pourrez venir également dans nos émissions pour faire des coprésentations. Ce prix a été donné par Itel. C'est le smartphone que vient de gagner Clovis Dokitega. Clovis Dokitega, appelez au 79-234-477 pour prendre rendez-vous pour demain. Et quant à moi, Alida Ndaikeza, je vous retrouve demain. C'est François Akimana qui était la mise en onde. Merci à tous les branchés. Rendez-vous des branchés. Rendez-vous débranché, une émission de jeux questions-réponses sur l'actualité nationale et internationale et la connaissance générale. Rendez-vous débranché. Vous êtes branché? Soyez au rendez-vous débranché sur Radio Isanganiro de lundi à samedi de 13h30 à 14h. C'est une occasion de gagner des prix. Soyez au rendez-vous débranché.